souris pour vous. L'on soit sous chanté, c'est à vous moins qu'à penser. Pas moins force pour tchembe. Dans ces toiles filées, c'est à vous moins qu'à penser. Pas moins force pour tchembe. C'est au cas pas moins force pour moins tchembe. Yeah.